Ferréole, par Jules d'Hermina. Jeune, brave, intelligent, il était né à Marseille. Ferréole avait pour principe de ne jamais s'étonner. Il laissait aux âmes faibles le vulgaire émoi de la surprise et ne craignait même pas, comme les anciens Gaulois, que le ciel lui tombât sur la tête. Cet incident lui parut fâcheux, mais n'eut pas ébranlé son sang-froid. Il ne manquait de rien, étant bien de chez lui, menait joyeusement ses cinq lustres, tout éclairés de bien-être, faisait la nique au passé et riait à l'avenir. À Paris, il rencontra Angèle. Elle était adorablement jolie. Il l'aima, il le lui dit, elle écouta, il la pressa, elle résista, il insista. Elle demanda le mariage. Logique avec lui-même, il ne s'étonna pas. Elle était vertueuse. Pourquoi ne pas l'épouser? Ferréole lui dit, « Vous avez une famille, un père. Où est-il? À Brest. Que fait-il? Il radoube des vaisseaux. Avoir un beau-père radoubeur rentre dans les contingences admissibles. Je pars, dit Ferréole. Pourquoi? Pour demander votre main à monsieur votre père. Voilà comme je suis, moi. Rien au lendemain. Pesé, vendu. Je vous aime, vous m'aimez. Hein, vous m'aimez? Oui. Donc, le train part à 8 heures du soir. À 11 heures du matin, je suis à Brest. Je cours au radoube. Je vois votre père, je lui pose la question, il répond, je suis ravi. Je reprends le train à 3 heures et après-demain, 7 heures du soir, je vous dis, tu es à moi. » Elle rougit, eut un délicieux sourire et murmurante dit, « Bah !» Ferréole prit une voiture dont le cocher était ivre. Il ne s'étonna pas. À la gare, le préposé au billet lui glissa 2 pièces roumaines. Il ne s'étonna pas. Dans la salle d'attente, on lui vola sa valise. Il ne s'étonna pas. Dans le wagon, un Anglais, seul, occupa les 4 coins, un de sa personne, un de son parapluie, un de sa lorgnette, un du Baedeker. Ferréole ne s'étonna pas. Le train dérailla. Enfantillage. Ferréole eut le nez à demi écrasé. Bilvesé. Il y eut un retard d'heures multiples, fadaise. Le surlendemain, à l'heure dite, mais à 24 heures près, Ferréole débarqua à Brest, et rapide comme un zèbre marseillais, enfilait la rue de Siam. Les ateliers du radoube, sur la Penfeld, 3e bâtiment, à gauche. Ferréole ignorait absolument l'identité géographique de la Penfeld, mais un homme comme lui ne demandait pas d'explication. Il alla droit devant lui, comme celui qui sait très bien, tourna vers Saint-Sauveur, se heurta à la porte Gabon, rebondit sur la Madeleine, carambola sur le château, finalement vit sur un écriteau quai de la Penfeld, et intelligent, puisque marseillais, devina qu'il était en bon chemin. Il s'engagea sur le quai, faillit se rompre les jambes aux cordes goudronnées, se prendre au piège des anneaux, reçut force orion des porteurs de ballots, et enfin tomba en arrêt devant un bâtiment sur lequel, en lettres noires sur fond chic de tabac, s'écrasait ce mot unique « radoube ». Cette chance ne l'étonna pas plus que le reste. Il vit une porte, devina qu'elle devait servir à entrer, tourna le bouton, pénétra, et aperçut dans une salle noire un lit de camp et sur ce lit de camp, un matelot qui fumait sa pipe. Hirsute, embriqué, type du loup de mer. « Monsieur Kenezek ?» demanda Ferréole. C'était le nom de famille de la bien-aimée, Angèle Kenezek. « Il n'est pas là. »« Où est-il ? » ?»« Au travail, donc. »« Où ça ? » ?»« Là, dans le fond. » Et la main du matelot dessina du pouce une vague topographie. « Eh bien, j'irai le trouver au travail. »« Toi, mon petit ?»« Pourquoi pas ? » ?»« Ce serait drôle. » « Ah ça, pas de phrase, j'ai à parler à M. Kesnek, affaire urgente et qui n'admet pas une minute de retard. Je veux le voir, je le verrai, et tout de suite, dussé-je pour cela plonger au fond des enfers. » Le matelot sursauta, passa sa pipe de la canine de droite à la molaire de gauche, puis s'écria « Alors tu es de la partie ?» Ferréole ne comprit pas, mais ses principes lui dictaient la réponse. « Parbleu !» fit-il, en se cambrant avec des involtures. « Alors ça va ?» Je te conduirai. C'est à 2 pas. Tu peux t'habiller ici. S'habiller? Tout autre que Ferréole eût esquissé un geste de surprise plus ou moins contenu. Mais lui, jamais. Après tout, pour se présenter devant un beau-père, peut-être était-il convenable d'endosser l'habit noir. Allons, reprit-il. Le matelot fit 2 pas vers une porte, puis s'arrêtant dit. Ah ça, ne blaguons pas. Il leva le bras et détacha un tableau graisseux pendu au mur, et lisant, il interrogea Ferréole comme suit. « Tu n'es pas en état d'ivresse. »« Moi ? Ah mais... » se contenant, « je n'ai pas un verre d'eau dans l'estomac. » Y a-t-il plus d'une heure que tu as mangé ? 3 heures. Ferréol eut une furieuse envie de demander si on se moquait de lui. Un autre aurait succombé à la tentation, lui, non. Tu n'es pas en transpiration. Je suis sec comme une ardoise. Ardoise, tout à l'heure. Ce tout à l'heure n'éclairait pas la situation. Tu es en bonne santé ? Je suis de bronze. Tu as l'esprit calme ? Un granit moral. Bien. L'homme remit l'écriteau en place et ouvrit la porte. Déshabille-toi. Jusqu'ici, Ferréol n'avait demandé personne en mariage. Mais bien qu'il eût l'esprit vif, il n'avait pas supposé que cet acte important, il est vrai, dût être accompagné de pareilles formalités. Mais comme il était de ceux que rien n'étonne, il ne broncha pas et obéit. Il faisait presque nuit dans la pièce et Ferréol en était réduit aux conjectures. Le matelot ouvrit un coffre et en tira un bonnet, un gilet, un caleçon et des chaussettes. « Avec ça, fit-il, nique pour la transpiration. » « En effet, dit Ferréol en se couvrant de ces objets, qui exhalaient une singulière odeur extraite de goudron et d'algues marines panachées. » Puis le matelot exhiba un vêtement verdâtre, pantalon à pied et à gilet, d'une étoffe solide et souple. Il fit asseoir Ferréol, l'aida avec la dextérité d'un valet de chambre émérite, lui passa le pantalon, lui laça 2 gros souliers, très lourds, introduisit les bras l'un après l'autre dans le gilet et remonta une collerette de cuir qui s'adaptait exactement aux épaules. Sur le dos, il plaça un coussin et par-dessus une pèlerine de métal qui ressemblait à une cuirasse. Ferréol se prêtait de grâce excellente à ce travestissement. Une idée lui traversait le cerveau qui n'était pas sans flatter sa vanité. Il songea au chevalier de l'ancienne Bretagne et se dit qu'Angèle, la douce armoricaine, lui avait sans doute caché par modestie qu'elle descendait de quelque antique famille des ducs de la mer. Pendant ce temps, l'autre continuait à l'ajuster, murmurant des phrases récitées par cœur, comme la théorie du caporal. Faire pénétrer chaque bouton de la pèlerine de métal dans la boutonnière correspondante de la collerette de cuir. Par-dessus la collerette, ajuster les brides ou segments de cuivre ainsi que les écrous à oreilles. Visser ces derniers jusqu'à ce que la jonction du vêtement et de la pèlerine, etc. C'était long, mais Ferréol était patient. Il dit seulement « Vous êtes sûr que je verrai M. Kenezek ?»« Oh, il ne s'envolera pas !» répliqua le matelot avec un gros rire, puis l'ajouta « Il n'y a plus que le casque, nous le mettrons là-bas. » Puisqu'il n'y avait plus que le casque, le plus dur était fait. Cela ne serait plus qu'à faire de patience. Le matelot prit sous son bras une sorte de boule enveloppée dans un sac de cuir. Le costume de Ferréol lui rappelant vaguement la camisole de force. Il se dit que jamais condamné n'avait vu le bourreau porter déjà sa tête sous son bras en le menant à l'échafaud. D'ailleurs, il ne s'agissait pas d'échafaud, mais d'amour. Le matelot fit sortir Ferréol, le conduisit sur le quai, tourna à droite, puis à gauche, et arriva sur une jetée qui s'avançait dans un bassin de quelques 10 mètres. À une courte distance, la coque noire d'un bâtiment dont Ferréol, par contenance, demanda le nom. « C'est le Duc d'Étroin, un rude trou à aveugler. » En toute autre circonstance, Ferréol eut peut-être prononcé quelques paroles sympathiques à l'adresse du Duc d'Étroin, blessé dans ses œuvres vives. Mais il était gêné aux entournures et se tut. Le matelot appela un de ses camarades qui, sans mot dire, vint se placer derrière Ferréol. « Ça va bien ?»« Parbleu !» fit Ferréol. « Alors attention !» Tu vois, l'ardoise est accrochée à la ceinture avec le crayon. Je vois. Ce fut son dernier mot. À ce moment, d'un mouvement à la fois rapide et doux, les deux hommes saisirent le casque dégagé du sac de cuir, le soulevèrent au-dessus de la tête de Ferréol, l'emboîtèrent jusqu'à ses épaules et serrèrent les écrous. Ferréol, aveuglé, étouffé, eut un éblouissement. Un instant, la nature faillit l'emporter sur la vigueur de son principe, mais toute protestation lui parut inopportune. Il se sentit enlevé de terre, puis suspendu dans le vide. Puis une étrange sensation de froid lui monta des pieds à la ceinture. Il eut un remous au-dessus de sa tête. Il ouvrit les yeux tout grands, et à travers les hublots de son casque, il vit un poisson qui passait. Certes, ces péripéties n'étaient pas banales. Mais pour avoir quelque mérite, c'est de l'étonnant seul qu'il convient de ne pas s'étonner. Ferréol descendait avec une rapidité relative. Enfin, il vit le fond de l'eau, et à quelques pas, un monstre à tête énorme et à yeux gigantesques, qui fit rapidement quelques pas vers lui, prit à sa ceinture une ardoise semblable à celle que portait Ferréol, et écrivant quelques mots, la lui montra. Ferréol, qui avait des bourdonnements dans la tête, lut « Je suis Kenezek, qu'est-ce que tu veux ?» L'instant était solennel. Ferréolut une longue aspiration à laquelle se prêta complaisamment la pompe foulante, puis, le poumon satisfait et l'âme forte, il réfléchit. De ce scaphandrier, la grosse tête dépendait le bonheur de sa vie entière. Entre casques, on devait s'entendre. Comme beau-père, un plongeur était convenable. Ce n'était pas une situation commune. Ferréol prit à son tour l'ardoise et, quoique considérablement gêné, écrivit « Je m'appelle Ferréol, j'habite Paris. J'ai 10 000 livres de rente, j'aime votre fille Angèle, et j'ai l'honneur de vous demander sa main. » Il eut un grondement sous le casque de l'aïeul. Il passa une algue sur son ardoise, puis écrivit de nouveau « Épouse-la si tu veux, je m'en... Vous consentez ?» Ardoisa vivement Ferréol, ravi et inquiet à la fois. « Bon débarras !» cria Kelzec. « Je consens, mais fiche-moi le camp, j'ai affaire !» Enthousiasmé, Ferréol voulut s'agenouiller devant le scaphandre paternel, mais son vêtement gonflé tirait par en haut. Cet acte d'hommage respectueux lui fut interdit. Cependant, le père d'Angèle répétait sur l'ardoise sa parole suprême « Fiche-moi le camp !» Et comme Ferréol, ne sachant comment s'y prendre pour remonter, ne se hâtait pas assez à son gré, il frappa 5 fois, selon l'ordonnance, la corde d'appel. Ferréol se sentit enlevé et, se frayant passage à travers une compagnie de dorades, reparut à la lumière des cieux. « Ça ne fait rien !» lui dit le matelot en humant le verre de rhum que Ferréol lui offrit bénévolement. « À ta place, j'aurais attendu 10 minutes. » Kenezek va remonter à 5 heures. Il était 5h-10. Ferréol répliqua. Un homme comme moi n'attend pas 10 minutes. De retour à Paris, Ferréol épousa la fille du scaphandrier, et il vit heureux, ce qui n'est pas parvenu à l'étonner. Jules l'Hermina.